Lettre 30e, Calpurnie à Agathoclès, Rome, novembre 301. L'événement le plus singulier, l'apparition la plus inattendue m'oblige à m'adresser encore à toi, à avoir recours à ta bonté et à ton amitié. Mais n'est-ce point un rêve? Est-il bien vrai que j'ai vu Tiridate entrer et sortir de chez moi avec la promptitude de l'éclair? Et que Sulpicie, aussi promptement, ait quitté Bay et l'Italie? Non, ce n'est point un songe. Elle est partie. Elle a suivi celui sans qui elle ne pouvait vivre. Je me hâte de te l'écrire, et puisse les dieux accorder des vents favorables au vaisseau qui te porte ma lettre, pour qu'elle devance le recouple d'amants et te prépare à leur arrivée. Il y a 3 jours, qu'étant seul dans ma chambre à l'heure où une demi-obscurité précède la nuit complète, un homme entre précipitamment et s'avance vers moi. Au premier instant, j'eus une grande frayeur. Je crus qu'il voulait me voler et m'assassiner. Je me levai pour courir vers la porte opposée et pour appeler mes esclaves, lorsque cet étranger m'ayant atteint, il prononça mon nom d'une voix qui ne m'était pas inconnue. Je me sentis en même temps arrêté par la main. L'homme tombe à mes pieds en nommant Sulpicie. Je n'eus plus aucun doute, c'était lui, c'était Tiridate. Il me serait impossible de t'exprimer ce qui se passait en moi. C'était un mélange d'étonnement, de joie et de crainte. Au nom des dieux, lui dis-je, comment as-tu fait pour venir ici? Agathoclès, sait-il ton voyage? Il ne m'écoutait pas. Vit-elle encore? S'écriait-il d'une voix altérée. Ai-je donné la mort à ma chère et malheureuse Sulpicie? Alors je n'ai plus qu'à la suivre. Mais si elle vit, pourra-t-elle jamais me pardonner? Je suis venu pour réparer mes torts et l'arracher à ses persécuteurs. Il faut qu'elle me suive. Mon vaisseau est à Ostie. Oh, Calpurnie, toi, la meilleure des amies, mène-moi vers elle. Viens, ne perds pas un moment. Ces paroles furent prononcées avec une telle rapidité qu'il me fut impossible de l'interrompre. Dès qu'il eut cessé de parler, « Lève-toi, lui dis-je alors, calme-toi, et raconte-moi avec calme ce que tout cela veut dire. » Il me suivit sur mon estrade, mais crois-tu qu'il lui fut possible d'y rester tranquille? Il se levait et se rasseyait 10 fois dans une minute. Il prononçait des imprécations contre lui-même, contre le sort, contre les parents de Sulpicie. J'appris enfin que tu lui avais ouvert les yeux sur ses torts, que la voix de ton amitié l'avait tiré du précipice, et qu'avec autant de délicatesse que de force, tu lui avais découvert l'état cruel où sa conduite avait réduit le Sulpicie, en lui montrant la lettre qu'elle m'avait écrite. En un mot, j'appris que mon attente n'avait pas été trompée, et que mon ami y avait pleinement répondu, et je lui en témoigne toute ma reconnaissance. Il me dit encore que ton récit, en dissipant les prestiges dont il était environné, avait réveillé dans le fond de son cœur l'image de sa Sulpicie avec une force nouvelle, que brûlant d'impatience de la revoir, de la consoler, de la tirer d'une situation aussi cruelle, il s'était décidé à revenir en Italie pour l'enlever de gré ou de force et l'emmener à Nicomédie, et qu'il ne t'avait point parlé de ce projet, connaissant ta vertu sévère, dans la crainte que tu ne le désapprouvasses. La folie de ce plan me rendit muette d'étonnement. Il me fallut du temps pour le comprendre et lui faire sentir les obstacles sans nombre qui se présentaient. Comment pouvais-je seulement essayer de persuader une tête aussi exaltée? Il me répondait à tout, que le cœur de Sulpicie était à lui, qu'il était le seul qui eût des droits sur elle, puisqu'il les tenait d'elle-même, et que décidé à la placer sur le trône d'Arménie, c'était le seul moyen d'obliger Séranus à un divorce nécessaire. Tout ce que je pus obtenir fut qu'il ménagerait la santé si affaiblie de Sulpicie et qu'il ne l'emmènerait pas malgré elle. Il me le promit et partit la même nuit pour Bay. 2 chevaux, presque morts de fatigue, attestent la célérité avec laquelle il fit cette course. Il savait que son vaisseau ne pouvait longtemps attendre et personne, ni à Rome, ni à Nicomédie, ne devait avoir connaissance de son voyage. Ce matin, à l'aube du jour, un esclave m'a remis ce billet de Sulpicie. Il est ici, je suis aimé, il est venu pour me délivrer, et je le suis sans balancer. Son projet est téméraire, mais il réussira, et ce n'est pas de moi que doivent venir les obstacles. Lorsque tu liras ce billet, ton heureux Sulpicie voguera avec lui loin de l'Italie. J'ose attendre de ton amitié, de ta justice, que tu ne me blâmeras pas. Que m'importe ce que le reste du monde dira si j'ai l'amour de Tiridate et l'amitié de Calpurnie. Adieu. Elle était donc partie, elle avait consenti. je ne savais si je devais me réjouir ou m'affliger. Si j'étais tranquillisé par l'idée qu'elle était libre et heureuse, j'étais effrayé du blâme de sa famille et plus encore de sa mauvaise santé, faisant voyage aussi pénible dans cette liaison et de la sentir errante sur les mers et dans les pays lointains, sans autre appui que l'amour d'un être passionné, il est vrai, mais léger, et d'une inconséquence dont il nous a donné des preuves. Ah, que l'amour est dangereux lorsqu'il est parvenu au point d'anéantir la réflexion, le repos, la vie, l'honneur, et tout ce qui n'est pas lui et lui seul. Il n'y a pas de doute, j'espère, que Tiridate ne l'amène à Nicomédie, et j'en bénis le ciel. Tu la verras, ou du moins tu sauras de ses nouvelles. Agathoclès, je te recommande mon ami, et c'est là le principal motif de cette lettre. Protège-la contre sa propre passion, et contre l'abandon et la légèreté de celui qui l'a entraîné dans une terre étrangère. Sois son ami, son protecteur, son conseil. Et si tes relations avec Larissa te le permettent, tâche de leur faire connaissance et de lui obtenir son amitié. Mon cœur se trouverait allégé de la plus grande partie de ses inquiétudes si je savais ma Sulpicie sous la protection d'une personne de son sexe, telle que doit être ton ami. Je sais que tu ne rejetteras pas ma prière, et l'idée du bien que tu peux faire à Sulpicie me console. Je te prie d'y mettre la plus grande activité, et qu'en arrivant à Nicomédie avec son amant, elle y trouve ce qui vaut bien plus un ami sage et dévoué. Peut-être irai-je moi-même à Nicomédie le printemps prochain. On dit que mon père est nommé au proconsulat. Cet événement serait à présent pour moi un bienfait du ciel, et je le bénirai de me placer encore entre des amis aussi chers, aussi précieux que toi et ma Sulpicie. Adieu.